Bonsoir. Bienvenue au Centre de l'Universalité pour une autre rencontre hebdomadaire comme on fait toutes les semaines, justement hebdomadaire, avec Daniel Kemp. Avant de commencer tout ça, je vais vous faire les deux petites annonces, là, prémices à la conférence. Il y a la conférence de Daniel vendredi prochain, dont le titre est « Comment ne pas se prendre au sérieux ». Ça va sûrement être très intéressant. Et vous avez aussi le séminaire intensif de Daniel qui a lieu demain et dimanche. Là, c'est la dernière chance pour s'inscrire ce soir. Fait que vous pouvez vous inscrire au comptoir en arrière. Le titre de la conférence ce soir, pourtant, il est inscrit en bas en lumière. On va le reconnaître. Ne pas croire, mais savoir. C'est ça. Justement, ça rentre dans les cordes. Je pense que les autres conférences d'avant ont amené le sujet de ce soir. Et Daniel, comme à l'ordinaire, je veux dire, va passer au travers de ce sujet-là d'une façon originale et créative. Alors, sans plus tarder, je vous présente Daniel Kemp. Oui, il y a un grand qui est ici. Ça, c'est parce que tu as parlé des géants, ça me passe. Vois-tu, tout à l'heure, une personne m'a dit, si tu as 50 personnes ce soir avec la température qu'il y a là, ça va être un succès. Alors, je pense qu'on a un succès de ce côté-là. Puis, on a un succès de ce côté-là. De ce côté-là aussi. Et comme je ne gage jamais, j'aurais gagné. T'aurais gagné quelque chose. Eh oui. Mais enfin. De toute façon. Moi-même, j'ai failli ne pas venir. Avec la température qu'on a là. Vous savez, la majorité des personnes prennent profit du printemps ou de l'automne pour entreprendre un jeûne, pour entreprendre une cure, pour essayer de se retransformer. Alors qu'en réalité, le printemps et l'automne sont les deux saisons les plus dangereuses pour entreprendre ce genre de démarche. Parce que c'est l'hiver ou l'été que l'on doit changer. Lorsqu'une personne, le printemps, remarque sur ses lèvres des gerçures, ou l'automne, mais pas l'hiver ni l'été, sauf lorsque l'hiver, il se met soudainement à faire chaud, une espèce de printemps avant terme, et qu'il redevient, la température redevient froid. Lors du printemps et de l'automne, l'organisme biologique de l'être humain se doit de s'adapter. Et l'adaptation physique, matérielle, est un peu plus longue que l'adaptation psychologique. Alors, ce qui fait que dans l'esprit de la personne, ou plus précisément dans son âme, ou dans son astral, ou dans son ego, chez elle, lorsqu'elle voit le printemps ou l'automne arriver, alors là, elle est adaptée, elle est heureuse, elle avait depuis longtemps hâte que la neige parte, ou que la chaleur parte. Elle avait hâte au changement. Et c'est dangereux. Présentement, on est dans le printemps. Alors évidemment, moi, il n'en fallait pas gros pour que je me promène dans la forêt. Et notre gérant m'a forcé le bras pour venir à la conférence. Il m'a dit que ce serait bon. C'est une mise en garde simplement pour ceux qui essaient de se transformer dans n'importe quelle période transitive. Que ce soit une période transitive climatologique ou une période transitive psychologique, spirituelle, mentale, évolutive. Lorsqu'on est dans une période de transition, ce n'est habituellement pas le temps de prendre de grosses décisions. La majorité des personnes qui débutent, qui entreprennent une période de transition, voient mieux. Et lorsqu'elles voient mieux, elles prennent des décisions qui, dans quelques semaines ou dans quelques mois, n'auront plus nécessairement de raison d'être. À une conférence, j'ai parlé de l'ajustement de l'être humain à sa matière. Alors, on a des personnes qui ont une automobile qui est toujours en panne, qui manque d'huile, qui a des crevaisons, le moteur ne part pas. Elle s'en achète une autre, elle a les mêmes problèmes. Elle s'en achète une autre, elle a encore les mêmes problèmes. Parce que son énergie propre détruit son automobile. Elle n'a pas une forme automobile ajustée à son énergie. D'autres personnes ont un téléviseur ou ont des appareils électriques chez eux et continuellement, ceux-ci sont en dérangement. Ou les fusibles sautent, ou etc., etc. Et j'ai justement, le gérant qui m'a presque tordu le bras pour venir ce soir. On lui a demandé dernièrement pourquoi il ne changeait pas d'automobile étant donné que lui, il est grand, il est presque gros, mais surtout grand. Et qu'il a une auto très petite. Pourquoi il n'avait pas une automobile ajustée à l'énergie qu'il dégageait? Il lui a répondu, « Oui, je vais changer, mais pas tout de suite, parce que là, présentement, je suis en période de transition. Alors, si je change, dans 6 mois, je vais encore devoir changer, ou je ne l'aimerai plus dans 6 mois. Alors, je préfère rester dans ce que j'ai présentement, qui n'est pas adapté à moi, et attendre. Attendre que j'ai suffisamment changé pour que lorsque je vais aussi changer dans la matière, que ce changement dans la matière dure au moins un certain temps. Le printemps ou l'automne, dans la vie évolutive de beaucoup d'entre vous, sont une période où normalement vous essayez d'entreprendre une nouvelle vie, de changer radicalement. C'est un peu comme le jour de l'an, où on fait des promesses. Sauf que dans le printemps ou dans l'automne de l'évolution, l'automne n'a rien à voir avec l'automne de la vie biologique. Dans la période de transition, on observe la transition. On se laisse aller dans la transition, mais ce n'est pas le temps de prendre de grosses décisions. Certains vont décider de se séparer ou de divorcer, ou d'avoir un enfant, ou de changer de temps de travail, d'emploi, etc. Pendant des périodes de transition, parce que soudainement, ils voient mieux. Et voyant mieux, l'ego s'imagine que c'est là le mieux qu'il va pouvoir voir. Alors que c'est faux. Cet être-là va voir de mieux en mieux. Alors, si elle prend une grande décision immédiatement, dans un mois, elle peut regretter sa décision. Parce que cette décision n'aura pas été écologique. Elle a été prise avant. Exactement comme si vous êtes malade. Vous avez une infection, une amygdalite. Et l'on vous donne des antibiotiques. Après 3 jours de cure à l'antibiotique, tout disparaît. Alors, on prend les antibiotiques et on les met aux poubelles. Et après une semaine, tout revient. On est en train, disons, de guérir, si on parle de cure matérielle. Et lorsque ça va mieux, c'est pas le temps de changer. On doit continuer la cure. Et lorsque ça fera un bout de temps qu'on aura cette santé, ou cette intégrité, ou cette vision claire, avec la cure, lentement, cette cure va devenir inutile. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la conférence. Bon, ça a toujours un peu à voir. Vous pouvez croire ce que je dis. Vous pouvez aussi savoir que j'ai raison. OK. Mais t'arrives pas assez souvent, toi. Quand t'arrives en avant, tu shakes, tu trembles. Il faudrait qu'on te fournisse un pied comme ça ici. Merci, Boris. OK, Daniel, si on revient de bord, on raccroche ça au sujet d'asseoir. Jusqu'ici, on a vu que L'être humain vit à travers des croyances qui sont des religions, des écoles, des sectes, peu importe. À un moment donné, il fait la transition de la secte à l'expérimentation. Bon, il expérimente. Et la troisième étape, il passe directement au savoir où il n'y a plus d'expérimentation ou minimum. Bon, je regardais simplement les quotidiens d'aujourd'hui. Tu regardes des bonhommes comme Garneau, l'astronaute, qui disait à un moment donné les dangers de la spécialisation. Et dans un autre quotidien, il y avait un homme politique qui disait que l'ivresse du pouvoir faisait plus de mort que l'ivresse au volant. Tu vois des gens qui, à un moment donné, se lèvent contre les croyances de la masse pour aller rentrer un peu dans leur savoir. On voit de plus en plus ça. Pourrais-tu peut-être élaborer à partir de ça? Plus le temps avance, plus des êtres nouveaux vont apparaître au niveau public, alors que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes ou que ce soit des enfants, qu'ils soient connus du public ou inconnus du public. Lentement, ces personnes vont avoir des petites visions claires de certaines choses. Lorsqu'un astronaute vient dire justement que le système éducationnel que nous avons ne permet pas aux personnes défavorisées d'arriver à être favorisées, la grande majorité ne finissent pas leur école, leur étude collégiale. Pour aller annoncer ça devant tout le monde, lorsqu'on est un astronaute, il faut être un peu flyé. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se prendre en main suffisamment pour supporter l'idée qu'on a d'une chose. l'autre bonhomme qui parle du pouvoir, et s'il est capable de ne pas répéter, et c'est là l'important, parce que c'est bien évident, on parle souvent du pouvoir. Tous ceux qui deviennent rois ou premier ministre ou ce que vous voudrez ne parlent pas de l'ivresse du pouvoir. C'est ceux qui n'ont pas le pouvoir qui en parlent. Et lorsqu'une personne dans les mécanismes du pouvoir arrive à transformer la même énergie pour l'adapter à son siècle, c'est qu'elle est, de quelque façon que ce soit, reliée à cette énergie instantanée qui permet à l'être humain de créer du neuf à partir de choses anciennes, parce que ces choses anciennes exprimaient une réalité, et lui réexprime cette même réalité, mais dans des mots qui vont être compris aux oreilles de ses contemporains. Alors, au lieu de dire « malheur à celui qui, etc., etc., où il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, l'entrée de Jérusalem, qui portait le nom d'aiguille, qu'à un riche d'entrer au ciel », alors il ne répète pas. Il prend des mots qui vont être compris par les oreilles de ceux à qui il parle, au lieu de prendre des mots qui inlassablement ont été répétés par des prédicateurs pendant des milliers d'années. Et ça, déjà là, c'est l'apanage, c'est la coloration, on pourrait dire, de ces êtres transitifs vers l'être nouveau. Ce n'est pas nécessairement la façon dont ils s'habillent, quoique l'ajustement énergétique du vêtement à sa propre énergie est une connotation. Mais ce n'est pas non plus la façon dont il va travailler, ça va être surtout la façon dont il va parler qui différencie. Évidemment, il va agir. Mais ses agissements vont apparemment être comme les agissements de plusieurs d'entre les êtres anciens. Sauf que ses agissements vont être en harmonie avec ses paroles. Mais c'est surtout dans la parole que l'on va reconnaître l'être transitif tout près de l'être nouveau, de l'être ancien. Alors donc, ces personnes qui commencent à parler, c'est un tout petit début. Et il y en aura de plus en plus qui auront des bribes, d'intelligence spontanée. Ce qu'antiquement on appelait un contact avec l'Esprit-Saint. Et à un moment donné, ces personnages vont finir par se connaître. Ce n'est pas le temps qu'ils se connaissent, ce n'est pas le temps qu'ils se parlent, parce que s'ils auraient à se parler, ils se coloreraient. Vous savez, à un moment donné, vous allez avoir la parole. Dans 6 mois, dans 10 ans, dans 150 ans, ça n'a aucune importance. À un moment donné, l'être humain, chaque être humain, va avoir la possibilité de parler. C'est-à-dire qu'il ne réfléchira pas à ce qu'il va dire, mais il aura la faculté d'observer ses dires. Et observant ses dires, il pourra lui-même s'ajuster, mais sans avoir à réfléchir à ce qu'il va dire. Au lieu de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, il va se servir de ses oreilles. Il sera son propre ajusteur. Et lorsque l'être humain aura cette faculté de parler et de s'observer lorsqu'il parle, il aura la faculté de s'instruire. Alors il sera réellement son seul maître. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen que d'arriver un jour à être son seul maître. Cela veut dire être capable de se prendre en main, d'assumer son savoir, d'assumer sa parole, de s'assumer, d'être capable d'être ce que l'on est sans chercher à se comparer aux autres pour pouvoir découvrir apparemment ce que l'on est. Suis-je normal? Telle est la grande question de tous ceux qui commencent à être transitifs vers quelque chose d'autre. Alors, vu qu'on veut rester normal, on essaie de faire en sorte que la normalité, que la masse transite avec nous. Et c'est le mécanisme qui va développer chez l'être humain dans son cheminement évolutif les fois, les croyances et les religions. Lorsqu'un être humain reçoit un léger contact ou est contacté d'une façon ou d'une autre par son esprit ou par ce que lui peut appeler Dieu ou par une énergie intelligente, ne pouvant s'assumer seul, il doit faire en sorte que plusieurs personnes l'accréditent pour pouvoir évoluer ensemble. De là vont naître les religions. Lorsque l'être humain qui croit en un Dieu, ou qui croit en des dieux, ou qui croit en un Satan, ou qui croit en la vie, ou qui croit en l'homme, en l'être humain, découvre que par cet état de croyance. Il a permis qu'on le manipule et qu'on fasse de lui ce que d'autres ont voulu faire de lui. Lorsque l'être humain découvre ce mécanisme, il passe par une période de doute, le doute transitoire. Et alors, il va renier la croyance, il va renier la foi. Mais il va la renier de la même façon que ceux qui la prêchent. Il va prêcher le reniement. Alors, il va dire à tout le monde que tout le monde se fond en guirlandais, que tout le monde se fond avoir, que telle chose est mauvaise. Partout où l'être humain est passé, il instruit les autres que ce chemin est mauvais. Un peu comme les parents, lorsque les parents ont vécu une vie et veulent interdire à leurs enfants de vivre une vie similaire. Mais il se trouve que le chemin par lequel le parent ou l'être humain est passé est justement ce chemin qui l'a créé, qui lui a permis un jour de venir au monde, qui lui a permis un jour de voir plus clair. Alors ce chemin mauvais est en réalité très bon. Lorsque l'être humain poursuit dans ce doute transitif, il arrive à comprendre l'intelligence des chemins par lesquels il est passé, et il arrive à comprendre ce qu'est la foi et ce qu'est la croyance. Non seulement il arrive à le comprendre, mais il arrive à savoir ce que c'est. Depuis 1969, plusieurs personnes ont commencé à détruire les religions, à parler contre les fois ou les sectes, à essayer de préserver la population contre ces organisations. Ils se sont donné mission de protéger les humains contre ceux qui ont des missions ou contre ceux qui se sont donné des missions. Ils entrent donc dans les mêmes rouages. Alors moi, j'observe ce que tel genre d'humain vit dans tel genre de secte et ce n'est pas bon. Et étant donné que moi, je suis un être dans une phase transitive et que je doute de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est enguirlandage ou foi, alors je m'attaque aux sectes. Et je demande au monde, croyez-moi, ne croyez pas les sectes. Et c'est ce que plusieurs êtres humains font dans nos sociétés actuelles. Et cette attaque contre les religions va se poursuivre tant et si longtemps que l'être humain collectif, que l'être humain dans la collectivité ne sera pas suffisamment individualisé pour arriver à comprendre l'utilité des chemins pour ceux qui en ont encore besoin. Or, les religions ne sont pas prêtes de mourir. Certaines religions vont être transmuées ou vont disparaître pour laisser la place à de nouvelles religions. On a des religions spirituelles pour l'instant. On a des religions qui s'approchent de religions intellectuelles aussi. Que ce soit la science, que ce soit la psychologie, que ce soit la psychiatrie, que ce soit la scientologie, que ce soit etc. On a donc des religions qui vont être de l'ordre de l'intellect. Et parce que le mot intellect a souvent servi pour insulter quelqu'un, t'es un grand intellectuel. Ben oui, si je suis un grand intellectuel, tant mieux. Alors parce qu'on aura des religions intellectuelles, on va immédiatement penser que ce sont des religions à bannir. Un jour, quelqu'un me disait, « C'est drôle, mais tu parles comme un prêtre. » Ah, puis après, c'est une insulte? Ben oui, parce que normalement, quand on dit à quelqu'un, il parle comme un prêtre, ben c'est parce qu'on veut l'insulter un peu. Alors, ben non, on va dire, « Tu parles comme un ministre. » Je savais que c'est une insulte. On s'en sert même pour faire des farces à la radio ou à la télévision. Tu parles comme un politicien. Donc, ce que tu dis est moitié mensonge, moitié bon. Faire attention à ces mots-là, parce que ces mots-là ne sont pas prêts de disparaître, parce que ces mots-là expriment une énergie qui, intrinsèquement, elle est réelle, elle est bonne. Parce qu'on la colore et on la déforme par notre évolution, alors on s'imagine qu'à un moment donné, lorsque de la bouche d'une personne ce mot sort, il veut dire ce que ça veut dire chez nous. Et c'est dangereux. Alors là, on croit avoir raison. On croit que la croyance n'est plus bonne. On a des groupements athées qui croient aux extraterrestres. On a des mouvements athées qui croient en Satan. On a des mouvements qui ne sont pas athées et qui croient en un Dieu, quel que soit ce Dieu. Et on a des mouvements qui croient tellement qu'ils sont prêts à élaborer un terrorisme mondial parce que seul, en mourant sur un champ de bataille contre les infidèles, on arrive à être dans ce ciel. Ne plus croire, mais savoir. Il faut comprendre que la croyance, elle est innée chez l'être humain. Parce que l'être humain est un organisme à conscience limitée, localisé dans son ego ou dans son âme, ce qui est la même chose, localisé surtout à partir des limitations de son corps physique, et n'ayant pas d'autre possibilité que de connaître l'univers ou le monde à partir de cette conscience limitée, mais sachant très bien que la Terre va au-delà de ses sens, il sait qu'à travers ce qu'il conçoit comme conscience, comme univers, comme monde, il y a immensément de lieux qu'il ne connaît pas. Je veux dire par là que si vous venez au monde, dans ce salon ici, et que vous entendez des bruits à l'extérieur, vous allez savoir qu'un extérieur existe. Mais vous ne pourrez jamais le conscientiser. Parce que vos sens sont limités par la dureté de la matière. Alors vous allez connaître le monde dans lequel vous êtes, ce salon. Ou encore votre maison, votre ville, votre pays, ou votre continent. Mais même pas le continent, et même pas le pays. C'est trop vaste pour l'homme, pour la femme. À peine la province, et souvent même pas la ville. Ça, dans sa conscience limitée, il sait quand même, parce qu'un jour il rencontre quelqu'un et cette personne dit, « Moi, je suis de Paris. » Paris? « Moi, je suis de Hong Kong. » Alors l'être humain sait qu'il existe d'autres lieux qu'il n'a pas à sa conscience. Alors il n'a pas le choix de savoir ce qui se trouve autour de lui et de croire ce qu'il ne peut aller chercher. Et maudire la croyance, c'est un peu maudire l'être humain, c'est un peu maudire l'univers, c'est surtout maudire le lien qui relie ce qui échappe à la conscience de l'homme de cette conscience de l'homme. Alors l'être humain a cette faculté de percevoir ou de se rappeler, parce qu'en réalité, il ne perçoit pas, il se rappelle. Mais il se rappelle, il ne sait même pas qu'il se rappelle. Alors, il a la faculté de percevoir une énergie, quelque chose qui apparemment l'aurait créé. Et cette énergie, l'être humain qui passe dans sa phase évolutive par la première étape de science, par la nomie, il nomme les choses de l'univers, va donc nommer cette énergie et il va l'appeler d'un nom qui ne devra pas être prononcé pour désigner des choses matérielles, d'un nom qui devra énergétiquement toujours représenter cette énergie. Alors il va l'appeler Elohim, Yahvé, Adélaï, Dieu, Manitou, Quetzalcoatl, etc., etc. L'homme, la femme, croit en Dieu. Ou croit, lorsque l'être arrive à être transitif, il ne croit plus en Dieu. Il croit à une intelligence infinie. Bon, mais c'est la même chose. Ou il croit à les extraterrestres, c'est la même chose. Il croit à quelque chose de supérieur, qu'il l'appelle comme qu'il voudra. Lorsque de temps en temps, je ne prononce pas de mot Dieu, je prononce d'autres mots, certaines personnes sont frustrées. Et lorsque je parle de Dieu, alors c'est d'autres personnes qui sont frustrées. Il y aura toujours des frustrés de toute façon. Mais ils ne sont pas frustrés de ce que je dis, ils sont frustrés de ce qu'ils entendent. Et ce n'est pas pareil. Parce que ce qu'ils entendent dépend de ce qu'ils ont en mémoire et de leur propre coloration, de leur propre conceptualisation. Ça ne me regarde pas. Cette croyance, jusqu'à ce point, elle est identique à la croyance des savants qui, eux, émettent des théories, tandis que l'être spirituel qui croit conceptualise des choses. Jusque-là, ça va. On a donc une humanité divisée en deux, un côté intellectuel, un côté spirituel. Et ces deux côtés vont entrer en lutte, presque à jamais, presque, parce que ça va changer. Parce que d'un côté, la science essaie de définir les paramètres de l'évolution spirituelle, tandis que du côté spirituel, on essaie de définir les paramètres de l'évolution scientifique. Alors, on va interdire à Darwin de réfléchir, et de temps en temps, la science va interdire à d'autres personnes de s'imaginer que le Christ a vécu, par exemple. Et là, on s'amuse. Mais les deux croient, parce qu'on croit à l'atome, parce qu'on croit à la vitesse de la lumière, parce qu'on croit à la vitesse du son. Parce qu'on croit. Jusqu'au jour où une personne atteint ce savoir spontané. Alors, ce personnage se promenait dans une ferme des États-Unis, en Alabama, et il trouve un fouet sur un poteau. Il prend le fouet et il commence à le faire jouer, tout croche, tout travers, et il s'entraîne un peu pour le fun, il attendait quelqu'un. Et à un moment donné, il entend « clac » avec le fouet. Alors, il trouve cela amusant. Alors, il redonne un coup de fouet dans les airs et ça fait encore « clac ». Alors, il se dit « c'est drôle, je ne frappe rien, mais j'entends frapper quelque chose ». Alors, il se dit « je frappe peut-être les molécules d'air trop vite avec le bout de mon fouet ». Ou encore, c'est peut-être parce que le fouet est divisé en deux bouts et le cuir se frappe. Alors, il coupe le bout du fouet et il recommence. Flac! Et ce personnage a émis une croyance. Comme quoi, l'extrémité du fouet allait tellement vite, d'ailleurs, il était invisible au regard. Il accumulait suffisamment d'atomes d'air pour que celles-ci se frappent l'une sur l'autre. Certains religieux ou spiritualistes vont dire « à quoi ça sert de toute façon de savoir ça? » Exactement comme le scientifique ou le religieux va dire « les voies de Dieu sont impénétrables. » Cherchez pas plus loin, restez niaiseux. Ou bien il va dire « c'est Dieu qui fait ce bruit. » Bon, on peut dire bien des choses avec Dieu de toute façon. Parce que Dieu, on le fait parler, ouais, bon. En réalité, lorsqu'une personne frappe avec un fouet, c'est que la partie extrême du fouet va plus vite que le son. Et lorsqu'elle traverse le mur du son, on entend ce boom hypersonique, en miniature, qui va être le claquement du fouet. Ces croyances des molécules agglomérées, ou ces croyances d'un Dieu créateur de l'univers, permettent à l'être humain de dormir, mais permettent surtout à l'être humain de vivre et de mourir. Ça, ça permet à l'être humain. Parce que sans Dieu, l'être humain est perdu. Alors ceux qui bannissent Dieu voient des extraterrestres, voient des énergies intelligentes, voient quelque chose qu'ils vont croire. Lorsque moi je parle de la conscience nouvelle, lorsque moi je parle de l'énergie supramentale, pour la majorité d'entre ceux qui m'écoutent, c'est une croyance. Ils croient que j'ai peut-être raison, même si je dis de ne pas me croire. Alors, à un moment donné, on croit qu'on ne doit pas me croire. Ça ne change rien. L'homme croit ou l'homme sait. La femme croit ou la femme sait. Il y a deux sortes de foi. De prime abord, la croyance, elle est essentielle. Lorsqu'un enfant va à l'école et qu'on lui dit « tu apprends ceci pour plus tard », cela implique qu'il doit croire qu'il sera là plus tard. Et lorsque l'être humain ne croit pas qu'il sera là plus tard, il ne vit pas suffisamment longtemps pour changer. Lorsque l'être humain part en vacances, il croit qu'il va vivre. Parce que l'être humain n'a pas de texture du temps futur, alors il croit. Il y a deux fois. Il y a une croyance ou une foi qui ne vaut rien. Et il y a une croyance et une foi qui peut valoir quelque chose, qui peut même valoir énormément. Mais l'être humain qui croit présentement à l'échelle de la planète est un être humain qui est régi par les enseignements donnés à des personnes il y a 2000, 3000, 4000 et 5000 ans. 2000 ans pour notre religion, mais 5000 ans pour d'autres, et même plus. Lorsque dans l'Antiquité, sachez une chose, c'est que chaque fois qu'une énergie intelligente a communiqué avec son double planétaire, avec un être humain, chaque fois qu'une énergie ou un dieu ou quelque chose comme ça, Il a permis à l'être humain de communiquer aux autres une connaissance, un enseignement, un savoir. Vous savez, lorsqu'un bonhomme est descendu d'une montagne avec des commandements, des tables, lorsqu'il avait les 20 commandements sur 2 tables, qu'il s'est enfargé en descendant et qu'il en a cassé une. Alors, il est arrivé en bas en disant « Voici les 10 commandements », parce qu'il en a perdu 10 en descendant. Mais personne ne l'a jamais su. Alors, on l'avait arrivé, on était à 10 commandements. Ouais, parce qu'il avait échappé une table en descendant, il y en avait 10 autres dessus. Alors, on a élaboré ces 10 commandements, on a cru. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Chaque fois que l'intelligence parle, elle amène une chose authentique à l'être humain. Et celui-ci, selon son évolution, selon ses mémoires, selon son concept, selon sa spiritualité, selon sa croyance ou sa foi déterminée, va maintenant colorer ce savoir instantané pour l'adapter à lui et aux autres. Donc, il va ajuster. Et c'est intelligent d'ajuster. Et lorsqu'on regarde un prêcheur prêcher quelque part sur la planète et qu'il dit « Suivez-moi, je suis », etc., c'est intelligent. Pas pour vous. Mais c'est intelligent pour du monde qui en a besoin. Parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui ne pourront pas vivre. On a un bonhomme, j'ai oublié son nom, d'ailleurs c'est un nom compliqué, c'est un nom hindou, qui à un moment donné a récolté tout ce qu'il y avait comme putain puis comme drogué, aux États-Unis, entre autres. Et il a fait une secte avec ses drogués. Héroïne et tout ce que vous voudrez, opium, puis en fournissait, puis ça allait bien. Ben, illégalement, incognito, évidemment. Et là, on a jugé, et on a dit de ce bonhomme qu'il était peut-être un antéchrist, qu'il était peut-être, etc., etc. Mais c'était un fou, ça c'est évident. Une secte de drogués. On arrive à Dieu par l'opium. On arrive à Dieu par l'héroïne. Et quelques années après, alors qu'il avait des milliers de fidèles et qu'il avait lui-même des millions de dollars, il a dit que pour arriver à Dieu, la drogue était bonne. Mais pas l'opium ni l'héroïne. C'était la marijuana, surtout, et l'acide. Alors évidemment, les fidèles ont commencé à faire du trafic de mari et d'acide. Et un peu plus tard, c'était plus... Tandis qu'aujourd'hui, les 3/4 de sa secte ne se droguent plus, ne se prostituent plus. Et on l'avait condamné. Parce que l'être humain qui est spirituel croit tout comprendre, alors qu'il ne peut pas comprendre encore. Et on a un paquet d'autres apparemment maîtres qui apparemment nuisent et qui ne peuvent pas nuire parce qu'il n'y a rien sur cette planète qui n'est pas autorisé. Ce n'est pas nécessairement compris par l'être humain qui a une conscience localisée. Et dans cette conscience localisée, celui-ci se doit d'essayer de connaître, sans la faculté de connaître, l'extérieur de lui ou l'extérieur de son monde. Donc, il l'invente et croit que c'est cela. Et dans cette invention et dans cette croyance, il y a toujours du vrai, mais il y a toujours de la coloration de ce qu'il a besoin pour arriver à rester où il est. Et lorsque l'être humain, dans ce contexte, entend parler ou voit quelqu'un d'autre agir dans un contexte différent, il essaie de l'assimiler, alors il le juge. Il l'accrédite ou il le condamne. Souvent, des personnes à la radio me disent que, par exemple, lorsque je parle, « Ah, là, vous avez raison, là, vous avez raison! » Certainement, oui, parce que je dis la même chose que lui. « Ah non, non, non, non, là, vous ne l'avez pas du tout, parce que je ne dis pas la même chose que lui. » Mais moi, je ne dis jamais qu'une personne a tort. Je dis que moi, j'ai dit ceci. Et si l'autre m'astine, ben, vous avez raison de parler comme ça, moi, je n'ai rien contre. Mais elle ne comprend pas que si je dis qu'elle a raison de parler comme ça et que je n'ai rien contre, elle ne comprend pas pourquoi je ne dis pas comme elle. Mais je n'ai pas à dire comme elle. C'est elle qui parle. Et dans ce qu'elle dit, elle a raison pour elle. Elle n'a pas raison pour moi. La foi, c'est important. La foi, c'est d'être capable de placer une énergie dans un contexte de croyance créé par l'être humain. La foi, c'est d'être capable de placer une énergie qui nous appartient. Certains vont dire une énergie divine qui nous traverse et qui va chercher ce qu'on ne peut pas aller chercher et qui va le relier à nous. D'où la création du mot religion. Mais c'est la même chose. C'est l'expression d'une énergie qui nous appartient, qui est nous. C'est-à-dire, nous lui appartenons, mais c'est nous aussi. Cette fois, un jour, un être humain contacté à son insu a dit que l'homme doit mettre sa foi à l'épreuve ou que certains événements de la vie viennent mettre la foi d'un être humain à l'épreuve. Et c'est dans l'épreuve de la foi qu'on voit celui qui a une grande foi. Ma foi. Et on a interprété coloré et magané. Vous savez ce que c'est que de mettre sa foi à l'épreuve? Cela veut dire être capable d'arriver avec sa foi, ce que l'on croit, et être prêt à affronter la réalité avec sa foi. Et lorsqu'on affronte la réalité, si la réalité, on la voit, si notre foi ne va pas avec, on met la foi aux poubelles, et si la foi va avec, la foi disparaît et elle se transmute en savoir. Ça, c'est d'éprouver sa foi ou d'expérimenter sa foi. Tandis que c'est compris par la majorité, comme voulant dire, lorsque tu affrontes la réalité, tu ne dois pas perdre ta foi. Et ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est ce qu'on fait. Alors, une personne, un jour, un prêtre est venu me voir et il m'a dit, « Tu me fais penser à Saint-François d'Assise. » Alors moi, je lui ai dit, « Parle-moi de François, mais pas de Saint-François. » Bon. Alors, il dit en tout cas, il dit, « Tu es pétillant d'énergie, mais un jour, fais attention, il y a une personne qui va arriver qui va jeter le doute chez toi. » Je dis, bon, ben, assieds-toi ici, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai posé 4-5 questions. Et il est parti avec plus de doutes qu'un être humain ne pourra peut-être jamais en amener. D'ailleurs, je ne l'ai pas revu depuis ce temps. Ce prêtre qui me courait après. Je lui ai demandé si ce qu'il faisait, il voulait poursuivre, il voulait continuer à le faire. Et c'est un être qui, selon la norme, normal est un être extrêmement charitable. D'ailleurs, un peu trop, il nuit. Mais ça, il ne le sait pas. Alors, il dit, oui, je vais continuer, certainement. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Faire ce que tu fais ou savoir si c'est ce que tu dois faire? Alors, il n'a pas voulu comprendre la question. Alors, j'ai continué. J'ai répété. Qu'est-ce qui est important pour toi? Faire ce que tu fais ou savoir si ce que tu fais se doit d'être fait. Alors, il me dit, « Ben non, mais c'est sûr qu'il faut que ça se fasse. Il y a tellement de monde qui ont besoin de... » Non. Tu te réponds. Alors, lorsqu'il a fini par comprendre la question, il est disparu. Il continue à faire ce qu'il fait, refusant de risquer de savoir si ce qu'il fait se doit d'être fait. Alors, il a l'impression que sa foi a été mise à rude épreuve, mais qu'il l'a conservée. Mais ce n'est pas comme ça. C'est comme de dire, la matière ne peut pas voler dans les airs, l'humain n'est pas fait pour voler dans les airs, parce que si Dieu aurait voulu qu'il vole, il lui aurait donné des ailes. Et lorsque tu vois un hélicoptère ou un avion, avec ta foi, tu conserves ta foi. Ça, c'est Satan, ou ça, c'est... Tu regardes à terre. Là, tu veux rien voir. Tu gardes ta foi malgré la réalité. Alors, si vous avez une foi quelconque, en quoi que ce soit, c'est correct. C'est nécessaire. Mais mettre sa foi à l'épreuve veut dire être capable d'affronter la réalité de temps en temps. Et l'être humain se doit de mettre sa foi à l'épreuve parce que sinon, cette foi devient une vérité. Et lorsque la foi devient une vérité, elle aura plus d'importance que la réalité. Lorsque dans la foi d'un être humain, Dieu est un homme, un mâle, blanc, et que cette foi devient une vérité, ne lui amenez aucun autre Dieu. Parce qu'il va le tuer. Étant donné que chaque être humain a leur propre vérité, que le noir voit Dieu noir, que le jaune voit un Dieu jaune, etc., etc., il va en falloir des dieux pour contenter chacun. Lorsque la foi devient une vérité. lorsque vous avez la vérité. Vous êtes des êtres qui ne peuvent plus, mais qui ne pourront plus et qui ne peuvent réellement plus aboutir vers la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est qu'une chose est ce qu'elle est. Elle n'est ni belle ni laide, ni bien ni mal. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité? C'est que ceci est bon et que ceci est mauvais. Ça, c'est une vérité. Non. Les enseignements donnés par les personnes qui sont passées avant nous autres dans l'Antiquité s'adressaient à une psychologie dans un langage connu de l'époque, à des êtres de l'époque. Alors, pendant des milliers d'années, des personnages connus sous le nom d'Esséniens, de pharisiens, de thérapeutes, de sadducéens, etc., ont conservé des traditions, des paroles, supposément inspirées de Dieu. Au mépris de tout. Et lorsqu'un jour, différents personnages sont arrivés pour changer, pour réadapter, alors on leur a coupé la tête. On les a pendus, on les a noyés, on les a fait dévorer par les animaux et on les a crucifiés. Au nom du fait que Dieu les aurait avertis, eux, si un changement était nécessaire. Alors les prêtres, les pharisiens, les esséniens, les thérapeutes, les nazaréens, tous ces sectes de l'époque, se disent, nous aurions été les premiers à le savoir. Non. Parce que plus un être humain sait, par apprentissage, que ce soit une lecture visuellement ou auditivement, lorsqu'un être humain connaît la tradition, il n'est pas un être humain qui pourra émettre quelque chose de neuf pour la simple raison que cette tradition devienne vérité. Alors on ne peut rien bouger dans sa tradition, alors même s'il est le plus haut placé, publiquement, avec sa tradition, ce n'est pas de lui que va venir la nouvelle chose, la nouveauté ou la conscience nouvelle. Ça ne peut pas, parce que lui, il est cristallisé dans le passé. Lorsqu'à travers une évolution, lorsqu'à travers une organisation politique et religieuse, dans l'Antiquité, on a créé une guérilla pour renverser le régime romain, les zélotes. Lorsqu'on a réussi à orchestrer suffisamment ce mécanisme par l'intermédiaire des gentils, une secte de l'époque, des esséniens, une secte mère de l'époque, des nazaréens, une sous-secte essénienne, la seule d'ailleurs qui permettait aux femmes d'en faire partie à la condition d'engendrer des enfants. Lorsque ceux-ci ont organisé la venue d'un roi des Juifs, pour prendre tête des zélotes et pour renverser les Romains. Alors, il se trouve qu'entre Jean et Joshua, Jésus, l'un des deux n'a pas voulu se fixer, se lier, se cristalliser à la tradition. Et il a refusé totalement le rôle qu'on avait prescrit pour lui. Et c'est toujours de la bouche d'une personne apparemment inérudite que viennent les choses nouvelles. Pas d'un être normal. L'être normal, il est normal, il est comme tout le monde. Et l'être comme tout le monde, c'est le bulldozer qui transforme la société, qui transforme les temps. Mais ce n'est pas le pilote. Il n'y a que l'être anormal, le marginal, qui transforme. Mais il ne vient jamais comme l'être humain Satan. Alors, en attendant, l'être humain a foi, d'une foi morbide qu'il appelle vérité. Lorsqu'un être humain a la vérité, il ne peut plus changer. Et il y a une autre foi qui devra être développée sur la planète, parce qu'elle est tout à fait naissante. Il y a une autre foi qui accepte d'être soumise à la tentation. Une autre foi qui accepte d'être forgée par le feu. Une autre foi qui accepte d'être éprouvée. Et une autre foi qui accepte d'être détruite pour être remplacée par le savoir. Par un savoir qui n'est pas inné du contexte terrestre, donc qui ne fait pas partie de la mémoire expérientielle de la planète Terre, mais par un savoir qui fait partie au minimum d'un savoir galactique, d'une expérience galactique dans laquelle la Terre est placée. Ne plus croire mes savoirs, c'est l'aboutissement même d'une foi écologique. Celui qui a une vérité, fouillez chez vous. Chaque fois que vous allez rencontrer une vérité, vous allez rencontrer une partie de vous qui est morte, qui ne peut plus être transformée, qui ne peut plus évoluer, grandir, qui ne veut plus connaître. Lorsqu'on a une vérité, on dit que l'on sait. Mais celui qui sait, sait que son savoir est un savoir que dans un moment et que dans un lieu particulier, et que ce savoir n'a pas la faculté d'être conservé à jamais. Parce que s'il est conservé à jamais, il ne vit plus, il est mort, il devient une vérité. Maudire ceux qui croient, ou maudire ceux qui ont la foi, même si cette foi est morte, est une perte d'énergie. Parce qu'il ne revient pas à l'homme de maudire ceux qui apparemment ne sont pas de son clan. L'homme a suffisamment à faire avec ses propres mécanismes énergétiques d'évolution. Il n'a pas de temps à perdre à s'occuper de ceux qui apparemment le frustrent parce que lui a la vérité, celle que les autres n'ont pas. Je vous explique brièvement les dernières conférences que j'ai faites. On a relativement parlé de la création de l'homme, de la création de la femme, de la création de la Terre, du rôle de l'évolution de l'homme, du pourquoi de l'existence de l'humanité sur un contexte terrestre, du pourquoi on a un mensonge cosmique qui permet ou qui oblige l'être humain à ne pas savoir, et de pourquoi avec l'être humain se recherche continuellement pour arriver à échapper du contexte évolutif expansif de cette planète. Il y a ceci dans l'univers. À un moment donné, on va pouvoir aborder d'une façon plus grandiose les mécanismes qui régissent l'expansion de l'homme et de la femme. Mais chaque chose en son temps. Du centre de ce que l'antique religion appelle Dieu, ou du foyer même de la création de cet univers spatio-temporel où le temps et la matière existent, permettant à l'homme d'avoir le temps d'être. Et l'extrémité de l'univers créé, parce que l'univers n'est pas infini, il est spatio-temporel, il a de l'espace et du temps. Il a été créé. Il n'est pas infini. À l'extrémité de l'univers créé, il y a la Terre. Sur cette Terre, il y a des êtres humains qui n'ont rien à voir avec l'évolution des animaux. Il y a une énergie ici qui involue, qui se dirige vers cette Terre. Et cette énergie, pour pouvoir se rapprocher du contexte matériel de la Terre, se doit d'être densifiée. Alors elle perd, au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la Terre, de son caractère, anciennement appelé divin. Elle s'humanise. Sur la planète Terre, il y a quelque chose, une ventouse, qui est agrippée à la matière terrestre, l'expression la plus dense de la création, la matière. Et ça, c'est l'être humain. Et cet être humain, on lui a accolé un corps vital, la vie. On lui a accolé un âme, le corps astral. On lui a accolé un corps mental, son intellect. Cet être humain évolue. Il se divinise. Et du foyer de la création, de ce que l'antique religion appelle Dieu, cette énergie s'humanise. Les deux viennent en contact. Et lorsque ce contact est accompli, et c'est sur ce quoi l'humanité ou l'être humain se dirige dans les décennies à venir, lorsque le contact est fait, les énergies divines n'ont plus besoin de poursuivre leur involution parce que l'être humain sert de base. Alors ces énergies vont se fusionner et l'être humain qui a une conscience localisée ou planétaire dans un contexte d'évolution plus avancé parvient à une conscience totale. L'être humain va donc réintégrer ce Dieu, entraînant avec lui la planète Terre et tout ce qui est matière pour entraîner dans ce vide, dans cette implosion, le reste de l'univers. Le rôle de l'homme, comme on le disait la semaine dernière, est de mettre un terme à l'expansion de cet univers. Lorsque l'humain commence à monter de temps en temps, et c'est arrivé une fois d'une façon plus magistrale, j'ai expliqué qu'aucune énergie de cette création n'a accepté de venir servir de ventouse et de venir servir de cobaye au niveau d'une planète pour essayer de connaître d'une façon complète par le vécu, pour essayer de créer l'expérience nécessaire aux esprits ou à Dieu, et que seul ce qui s'exprime chez l'être humain a accepté. De temps en temps, et c'est arrivé une fois entre autres, une énergie qui n'avait rien à faire au niveau du contexte planétaire est venue s'humaniser complètement. Et elle a donné des chemins à l'humanité. Et elle est repartie. Et ces temps reviennent. Alors que certaines religions parlent du retour du Christ, ceux qui savent parlent du retour de l'énergie christique. Ceux qui savent parlent du retour du savoir instantané, de ce contact, qui se fera à l'échelle pluralitaire. Plusieurs hommes, plusieurs femmes auront ce contact, et à l'intérieur de ce contact, ils seront des Christs. C'est-à-dire qu'ils seront reliés à ce qu'alchimiquement on appelle l'énergie christique. Ils seront reliés à ce que québécoisement parlant on appelle l'énergie supramentale. Ils seront reliés à ce qu'antiquement on appelle l'Esprit Saint. Leur propre esprit sera chez eux. Ce contact, c'est la fin de l'évolution de l'humanité et c'est la fin de l'involution des divinités. Pour que l'être humain parvienne à ce contact, il doit patauger pendant un laps de temps, très court en mon sens, avec des choses qu'il ne peut pas toucher. Alors, il doit donc développer chez lui une croyance et une foi en ces choses. Mais l'être humain se doit obligatoirement de décider lui-même s'il accréditera cette foi ou cette croyance ou s'il ne le fera pas. C'est-à-dire que l'être humain doit devenir suffisamment individuel pour ne pas accréditer une croyance parce que tout le monde y croit. Et c'est là le problème. Parce que la croyance, on pense toujours que c'est une chose collective. C'est faux. La foi, ce n'est pas collectif. La foi, c'est individuel. Alors, à un moment donné, l'homme, la femme va dire « Je crois en la réincarnation. » Mais faites-en pas une vérité. Je crois en l'énergie supramentale ou en cet esprit saint ou en ce contact ou en ce savoir spontané ou en etc. Tant mieux. Appelez ça Dieu, appelez ça ce que vous voudrez. Mais n'en faites pas une vérité. Parce qu'à travers cette foi et ces croyances, lentement, comme le savant, vous travaillez avec des théories. Vous en rejetez une pour la remplacer par une autre, vous la vérifiez, elle se trouve vérifiée, alors on l'accrédite pour l'instant et on continue à fonctionner. De cette façon, l'humanité où l'être humain évolue, marche après marche, sans vouloir amener avec lui la marche d'en bas en haut. L'être humain, Daniel, qui met sa foi à rude épreuve, comme tu dis, est-ce qu'il transmute automatiquement la souffrance de son environnement immédiat, puis deviens-tu un peu comme la ventouse que tu dis qui amène un peu de la planète Terre avec lui? Celui qui évolue, cette ventouse qui est de toute façon créée par les mécanismes énergétiques de l'amour, entraîne automatiquement avec lui dans le vide qu'il laisse. Soit qu'il entraîne d'autres personnes, à un moment donné, il entraînera de la matière. La foi, celui qui ose la mettre à rude épreuve, dans les premiers temps, c'est la vie. C'est son propre esprit qui va régir l'évolution même de ses corps pour créer l'expérience nécessaire. Alors, ses foies seront mises à rude épreuve parce qu'à un moment donné, tout ce qui est cristallisé comme foi génétique, tout ce qui a été héréditairement transmis par l'éducation comme par la procréation, devra disparaître. L'être humain est de deux ordres, pour ne pas dire de trois ordres. Le premier être humain est un être qui n'a aucune conscience et qui sert de lien entre la planète Terre et le début de l'expansion créative de cet univers. C'est l'être réel. Le deuxième être humain est celui que vous connaissez, celui qui a un ego, celui qui a une concentration localisée chez lui, celui qui dit « je suis » et celui qui dit « je veux évoluer » et celui qui dit « je veux manger » et celui qui dit « je suis meilleur » ou « je suis pire ». Je crois en Dieu ou je ne crois pas. Ça, c'est le deuxième être humain. Avec une conscience placée dans la région où il doit rester. Parce que cet être humain-là, s'il a une conscience présentement galactique, il va sacrer son camp de la planète Terre parce qu'il va découvrir d'autres choses drôlement mieux ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce souvenir qui a permis à certains prêtres de créer tous les mécanismes paradisiaques ou etc. après la mort. Mais l'être humain se sort de son problème évolutif, de son vivant. Le mort n'évolue plus. Il va revenir à un moment donné et en vivant, il va s'en sortir. Le troisième être humain est l'être humain qui n'a pas la connaissance du contexte planétaire. C'est l'être humain divin que vous ne connaissez pas. Et cette partie veulent se rejoindre. Alors, vous avez connaissance du fait que cet être humain veut évoluer. Veut un contact avec Dieu, un contact avec les énergies supérieures, un contact de toute façon. Cet être humain, vous le connaissez, il veut évoluer. Et de l'autre côté, ça, vous ne le savez pas. Mais la religion dit, Dieu s'intéresse à l'homme. Dieu aime l'homme. Aimer veut dire être attiré. Donc, Dieu est attiré par l'homme, par l'humain. Dieu veut aider. Dieu a même sacrifié son fils unique. Faites-vous-en pas, il en a sacrifié un maudit paquet de fils uniques. Ce Dieu, même si l'être humain ne le sait pas clairement, il le transmet par sa croyance populaire, s'intéresse à l'homme, à la femme, évidemment. Et lorsque les deux vont se toucher, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que ce qui vous habite, qui veut évoluer, devra mourir de votre vivant. L'ego, l'orgueil et l'âme devront faire place à ce que l'antique religion appelle l'esprit. On aurait pu embarquer dans la partie intéressante de l'esprit. On y reviendra à la deuxième partie. Peut-être faire un lien avec la semaine passée, les deux exemples là, qui se fitent ensemble. On va prendre une pause de 25 minutes, une demi-heure. Et si vous avez beaucoup de questions, vous pouvez les laisser ici en avant. On va y répondre à la deuxième partie. À tantôt. Merci.